t'es trompé. T'as tenu plus longtemps peste. Qu'est-ce qu'on va devenir en vrai? Faut pas qu'on se mette en perte. Ou on va finir par ramper. Comment ramasser ton blé? Bienvenue dans la malchance. Pas content quand je suis mal chaussé. C'est une voiture de banal ça. Sur le scooter et des mal châssis. La galère pour canal ça. Mais t'inquiète, on peut pas mal choisir. Ça restera dans les annales ça. J'ai pas encore tout donné. Pour déguster tout le dîner. J'suis dans l'ombre étant donné. Qu'on recherche et tout le dîner. Non, j'étais pas là pour sonner. Plus la peine de bourdonner. Le cerveau est tout sonné. Si ça vient, ferme les yeux de cette couleur, on est sapé. Je regarde l'heure pour le temps, on fait ça bien. Ouais, ça pue la patate si tu sentais. Comme la viande, tu me diras si ça vaut. On se tue, on calcule plus la santé. C'est plus tard qu'il faudra me dire si ça va. Accroche-toi dans l'excès, ramène-moi la Lexus. Quand je serai pas complexé, tu te fais perdre l'excès. Tu pourras pas me vexer, c'est moi que ton Mexus. Rentre dans la navette, c'est bientôt l'envol pour Mexique. Bah, écoute mon ex, c'est mieux pour elle qu'elle s'excite. On avale plus les excuses, rien à foutre si t'es sexy. Ne m'envoie plus de texto, de toute façon j'ai cassé cette cible. L'alcool dans la contre-exe, posé avec mes sept chiffres. J'ai pas encore tout donné, pour déguster tout le dîner. J'suis dans l'ombre étant donné, pour rechercher tout le dîner. Non, j'étais pas là pour sonner, plus la peine de bourdonner. Le cerveau est tout sonné. Show.